Chapitre 12, scénario pour l'avenir du Sénégal, 2025 à 2030, le PASTEF a prouvé qu'un parti anti-système peut gagner par les urnes. Mais le vrai défi, c'est de transformer cette victoire en changement durable. L'Afrique nous regarde. Analyste politique, Jeune Afrique, 2025 introduction, à la croisée des chemins décembre 2025. Le Sénégal se trouve à un moment décisif de son histoire. 20 mois après l'élection historique de Bassirou Diomaye Faye et la nomination d'Ousmane Sonko comme Premier ministre, le pays oscille entre l'espoir d'une transformation profonde et les risques d'une crise majeure. Le contexte actuel, croissance économique exceptionnelle, 8,4 en 2025 selon le FMI, tiré par les hydrocarbures, dette publique alarmante, 114 du PIB, contre 74 annoncés sous Macky Sall, tensions politiques internes. Fracture ouverte entre Sonko et Diomaye Faye, pression internationale, suspension du programme FMI de 1,8 milliard, attentes populaires immenses, 87 des Sénégalais espèrent une économie plus forte en 2025. Ce chapitre explore trois scénarios prospectifs pour l'avenir du Sénégal sous le PASTEF, optimiste, pessimiste et réaliste. 1. Scénario optimiste, le Sénégal, modèle de souveraineté africaine 1.1. L'horizon 2030, un Sénégal transformé vision, le PASTEF réussit son pari de rupture systémique. En 2030, le Sénégal devient le modèle panafricain de développement souverain, inspirant toute l'Afrique de l'Ouest. Les piliers de la réussite, A, souveraineté monétaire, l'écho lancé avec succès. 2026, sortie progressive du franc CFA, lancement de l'écho, monnaie commune CDAO, stabilité monétaire, l'écho est adossé à un panier de devises, or, yuan, dollars, et aux hydrocarbures sénégalais d'évaluation contrôlée, 15 pour booster les exportations agricoles. Résultat, les exportations sénégalaises augmentent de 40, l'agriculture devient compétitive. Citation, nous avons repris le contrôle de notre destin. Le franc CFA, c'est terminé. L'Afrique est libre. Ousmane Sonko, discours de lancement de l'écho, janvier 2026 B, autosuffisance alimentaire, le Sénégal vert, mesures prises, réforme agraire, 500 000 hectares redistribués aux petits agriculteurs, 2025 à 2027, mécanisation, 10 000 tracteurs distribués, semences améliorées subventionnées, transformation locale, 200 usines agroalimentaires créées, riz, tomates, lait, irrigation, grand projet dans le Sine Saloum et la vallée du fleuve Sénégal. Résultat en 2030, autosuffisance en riz, production de 3 millions de tonnes en, vs. 1 million en 2024, exportation agricole, le Sénégal devient exportateur net de produits maraîchers vers l'Europe. Prix alimentaire, baisse de 40 pour les denrées de base, riz, huile, sucre, C, industrialisation et emploi de masse. Stratégie, zones économiques spéciales, ZES, 5 zones industrielles créées, Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor, partenariat Sud-Sud, Turquie, industrie de défense, Chine, infrastructure, Russie, énergie, contenu local obligatoire, 60D. Emploi pétrolier réservé aux Sénégalais, formation professionnelle, 100 000 jeunes formés en dans les métiers techniques. Résultat en 2030. 500 000 emplois créés, objectif atteint, taux de chômage, 8, vs. 15 en 2024, classe moyenne, 40 de croissance D, transparence et fin de la corruption. Réformes institutionnelles, opération main propre, 50 anciens ministres condamnés, 2025 à 2027, plateforme numérique, tous les marchés publics en ligne, traçabilité totale, suppression du Sénat, économie de 30 milliards francs CFA en limitation des mandats, 2 mandats maximum inscrits dans la Constitution. Résultat, indice de perception de la corruption, le Sénégal passe du 109 rang, 2023, au 60 rang. Mondial, 2030, confiance des investisseurs, IDE multipliée par 3e, diplomatie panafricaniste, repositionnement géopolitique, alliance AES, coopération militaire et économique avec Mali, Burkina Faso, Niger, base de drones turcs, capacité de surveillance. NCE renforcée dans le Sahel, réduction de la présence française, base militaire fermée en 2028. Leadership régional, le Sénégal devient le porte-parole de l'Afrique souveraine à l'ONU. Citation, le Sénégal ne sera plus jamais la chasse gardée de qui que ce soit. Nous sommes africains avant tout. Bassirou Diomaye Faye, sommet de l'Union africaine, 2029 1.2. Les indicateurs clés en 2030, scénario optimiste. Indicateur 2024-2030, optimiste, évolution croissance du PIB 6,9-7,5, moyenne, 0,6 dette PIB 114-65-49 taux de chômage 15-8-7 inflation 1,5-2,5 1 production pétrolière 16,9 m baril 30 m baril en 77 autosuffisance en riz 40-160 IDH 0,511, 168-0,620, 120-109.1.3. Le Sénégal, modèle pour l'Afrique Impact Régional, Ghana, Togo, Bénin, lancent leur propre révolution Sonko France CFA, disparition totale en Afrique de l'Ouest, 2028, panafricanisme 2.0, le Sénégal accueille le siège de la Banque Africaine de Développement citation finale. En 2014, nous étions 20 dans une salle. En 2030, nous sommes 17 millions. Le PASTEF a changé l'Afrique. Ousmane Sonko, Congrès du PASTEF, 2032. Scénario pessimiste, l'échec du projet PASTEF 2.1. L'effondrement, 2026 à 2029, vision, le PASTEF échoue à gérer les contradictions économiques et politiques. En 2029, le parti perd le pouvoir dans un contexte de crise multidimensionnelle. Les facteurs de l'échec, A, crise monétaire, l'écho tourne au cauchemar déroulement. 2026. Lancement précipité de l'écho sans coordination régionale, choc de confiance, fuite des capitaux, moins 20 milliards en 6 mois, hyperinflation, l'inflation atteint 25 en 2027, pénurie de devises, impossibilité d'importer denrées et médicaments, conséquences, prix alimentaire, 150, riz, huile, sucre, manifestation, émeute à Dakar, Thiès, Saint-Louis, 50 morts en 2027, retour au franc CFA, le gouvernement est contraint de négocier avec la BCE aux citations. Sonko nous avait promis la souveraineté. Il nous a donné la pauvreté. Commerçant de Sandaga, Le Soleil, 2027b, tension politique, la fracture Sonko Diomé, chronologie de la rupture, novembre 2025, crise ouverte sur la nomination d'Aminata Touré, mars 2026, Sonko accuse Diomé de trahison. Lors d'un meeting à Ziguinchor, juillet 2026, démission de 30 députés PASTEF, création d'un nouveau parti par Diomé, décembre 2026, éclatement du PASTEF en deux factions, Sonkiste vs. Diomeiste Impact, paralysie parlementaire, aucune loi votée pendant 8 mois, élections anticipées, convoquées en 2028, au lieu de 2029, retour de l'APR, l'opposition se réorganise autour de Karim Wade, C, isolement international, sanctions et perte de confiance, réaction internationale, FMI, suspension définitive du programme, 1,8 milliard perdu, France, gel des avoirs sénégalais en Europe, 5 milliards, UE, réduction de l'aide au développement, moins 40, agence de notation. Dégradation à CCC, risque de défaut de paiement. Conséquence, dette insoutenable, 150 du PIB en 2028, défaut de paiement, le Sénégal ne peut plus honorer ses eurobonds, récession. Croissance négative en 2028, moins 2,1, D, retour du clientélisme, nouveaux anciens, dérives internes, corruption. Plusieurs ministres PASTEF impliqués dans des scandales, 2027 à 2028, népotisme, les proches de Sonko occupent tous les postes clés, répression, arrestation de journalistes critiques, 15 en 2027, citation, le PASTEF est devenu ce qu'il combattait. C'est l'APR avec un autre nom. Militants déçus, Jeune Afrique, 2028 2.2. Les élections de 2029, le PASTEF perd le pouvoir. Résultat, premier tour, Ousmane Sonko, PASTEF 28, Karim Wade, APR 35, Bassirou Diomé Faye, Avenir Sénégal 22, second tour, Karim Wade élu avec 54 analyses, division. L'éclatement du PASTEF a coûté la victoire, fatigue populaire, 5 ans de chaos, ça suffit. Retour des élites, les anciens barons du PDS et de l'APR reprennent le pouvoir 2.3. Le bilan en 2030, scénario P. Pessimiste. Indicateur 2024-2030, pessimiste, évolution croissance du PIB 6,9-1,5-8,4 dette PIB 114-155-41 taux de chômage 15-25-10 inflation 1,5-20-18,5 pauvreté 37-53 indice de corruption 1,09-1,30-21. Place 3. Scénario réaliste, une révolution en marche, mais lente 3.1. Le chemin du milieu, ni miracle, ni catastrophe vision, le PASTEF réalise des réformes significatives mais se heurte à des résistances structurelles. En 2030, le Sénégal a progressé, mais reste loin des objectifs initiaux. A. Croissance forte mais déséquilibrée, réalité économique, hydrocarbures, croissance tirée à 70 par le pétrole et le gaz hors hydrocarbures, croissance modérée, 3 à 4 par an, inégalité, les revenus pétroliers profitent surtout à Dakar et aux élites dépendances. Le Sénégal reste dépendant des importations alimentaires, 60, résultat, croissance moyenne, 6,5, 2025 à 2030, emplois créés, 250 000, vs. 500 000 promis, jeunesse déçue, on nous avait promis mieux, B, France CFA, réforme partielle, pas de rupture compromis monétaire. 2027, sortie du système de garantie française, fin du dépôt des réserves au trésor français, éco-reporté, lancement repoussé à 2032 faute de consensus CDAO France CFA maintenu, mais renommé franc ouest africain, symbolique, bilan, souveraineté limitée. Parité fixe avec l'euro maintenu, progrès symbolique, on a arraché quelque chose, mais pas tout, c'est, lutte contre la corruption, succès partiel avancé, condamnation, 20 anciens ministres en prison, vs. 50 espérés, plateforme numérique, marché public transparent, 80 en ligne, audit réussi, révélation de 2000 milliards francs CFA de détournement limite, lenteur judiciaire, les procédures des années nouvelles dérives, certains cadres PASTEF impliqués dans des scandales, 2027 à 2028, résistance administrative, les fonctionnaires freinent les réformes citation, on a cassé l'ancien système, mais on n'a pas encore construit le nouveau. Militant. TPASTEF, le quotidien, 2028D, tension Sonko Diomé, gestion de la cohabitation évolution, 2025 à 2026, crise publique mais réconciliation, 3 fois, 2027, accord tacite, Diomé diplomatie, Sonko réformes internes 2029. Sonko se présente avec le soutien de Diomé, unité préservée, résultat, PASTEF maintenu, pas d'éclatement, mais tension permanente élection 2029, Sonko élu au un tour avec 52, victoire moins écrasante qu'en 2024. 3.2, le bilan en 2030, scénario réaliste, indicateur 2024-2030, réaliste, évolution croissance du PIB 6,9-6,5, moyenne, moins 0,4 dette PIB 114,85 moins 29 taux de chômage 15-11 moins 4 inflation 1,5-3,5 2 autosuffisance Henri 40-60-20 indice de corruption 1,0985-24 place 3.3. Les leçons du scénario réaliste force, stabilité politique, le PASTEF reste au pouvoir progrès sociaux, éducation et santé gratuite pour 70 de la population réduction de la dette, grâce aux revenus pétroliers faiblesse, dépendance pétrolière, le modèle reste extractiviste inégalité. Les riches s'enrichissent, les pauvres stagnent attendent déçus, on espérait une révolution, on a eu une réformette, citation finale, le PASTEF a changé le Sénégal, mais pas autant qu'on l'espérait. C'est déjà ça. Analyste politique, Le Monde, 2034. Conclusion, quel avenir pour le PASTEF ? 4.1, les trois conditions de la réussite pour que le scénario optimiste se réalise, le PASTEF doit. 1. Maintenir l'unité interne, résoudre la tension Sonko Diomé 2. Gérer la transition monétaire, sortir du franc CFA sans chaos 3. Diversifier l'économie, ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures 4.2. Le PASTEF, un modèle pour l'Afrique ? Comparaison avec d'autres expériences. Pays mouvement résultat, 2030, Sénégal PASTEF en cours. Scénario multiple, Burkina Faso Traoré MPSR militarisation, isolement Venezuela chavisme échec économique, autoritarisme Brésil PT, Lula, réussite partielle. Retour leçon, les mouvements de rupture réussissent rarement du pré. Niéku. Le PASTEF a 5 à 10 ans pour prouver qu'un autre modèle est possible. 4.3, le mot de la fin, la victoire du PASTEF n'est pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Une ère où les peuples reprennent leur destin en main. À nous de jouer. Le PASTEF peut-il réussir ? La réponse dépendra de trois facteurs. 1. La cohésion interne, Sonko Diomé. 2. La gestion économique, dette, franc CFA, hydrocarbures, 3. Le soutien populaire, patience de la jeunesse, en 2030, le Sénégal saura si l'espoir de 2024 était une illusion ou le début d'une vraie révolution. Fin du chapitre 12.